une mauvaise nouvelle, vous savez que ça chauffe en Irak. Ouais. Et que ça charque là-haut. Et je crois qu'il est temps de retrouver notre envoyé spécial. La minute à Sandro. Ici Sandro. Allô. Ici Sandro. On t'entend. Sandro, en direct du désert irakien. Ne crie pas. Oh lolo. Bon, c'est vraiment la guerre ou pas? Oh lolo, ça tire, hein. C'est vrai, ça tire. Oh lolo, ça a tiré partout, hein, toute la nuit, hein. Ouais. Sans venu dans ma chambre, ça a tiré. Mais non. Sans venu, il me mettait des cloques sur les fesses, il disait oh Texas. J'ai dit mais non, j'aime pas ce groupe là, moi j'aime bien les autres là, les Manu qui donnent de bloc. Mais non, Texas. Ah ça a tiré comme des fois. Quoi? On parle pas de ça, enfin ça a tiré, c'est les avions. On parle de la guerre. La guerre. Ah pardon, excusez-vous. Hein. Ah, oui. Ça, après, non, bah rien à s'y aller. Non, ah non, non. Bon, il paraît, mais je suis comme vous, hein, j'ai entendu les infos, mais moi j'ai rien vu. Tu t'en es peut-être pas rendu compte. Attendez. C'est quoi ce bruit? Hein? C'est quoi ce bruit? Je crois qu'on va couper là. Ah bon? Oh putain! Sandra! Ça y est, on se l'est fait. Sandra! Oh merde! Ah merde! Ouais. Sur Europe 2. Y a pas d'âge pour l'écouter, mais il vaut mieux être cool dans ta tutée. Allô Sandra? Allô, c'est toujours Polo. Allô. Sandra, est-ce que tu nous entends? Allô? Tu nous entends? Ici Sandro pour France Bleu Picardie. Europe 2, Sandra. Europe 2. M'attendez? Oui, on t'entend. Oui. Alors là, je suis toujours dans le désert. Mais t'es là, où, là? Bah, je suis avec une tribu de babouins qui sont là. Bédouins. Bédouins. Ah bon, bah, c'est pareil. Et depuis tout à l'heure, ils m'ont dit de leur parler des trucs. Alors j'arrive, hein, parce que j'ai. On m'a expliqué des mots. Alors, assalam alaikum. Bonjour monsieur. Alors là, qu'est-ce que vous m'avez dit de dire, monsieur Cartman? Nikomouk. Ça veut dire à votre santé. Ah, alors. Nikomouk. Et Nardenemouk. Nikomouk. Yahra. Baramek. Je crois qu'il me propose une partouze. Attendez. Non, pas le chameau. Non, arrêtez ça. Bon, je vous laisse à vous, Paris pour France Bleu. Allô, ici c'est Sandro, en direct du plusieurs écrans. Oula, oula, oula. T'as des problèmes de téléphone, Sandro? J'ai toujours pas entendu, je suis par la liaison du satellite. Oui. J'ai pas entendu bien. Si t'arrêtais de faire bouger le téléphone, je pense qu'on s'entendrait. Comment? Ouais. Si bien, je suis dans le désert. Et vous, Nick, hop, que, shot, et hop, bouche, hop, vol, hop. Sandra, on a entendu Nick, bouche, chat, vol. Ben voilà, c'est un résumé de ce qu'elle fait en Irak. Ah non, je disais, s'il n'y avait pas de chat et j'avais le problème de liaison téléphonique, j'ai pris du sap à la bouche. Ah d'accord. Bon, alors, ici donc, en direct du conflit qui pour l'instant n'a pas démarré. Non. Je suis à votre entière disposition. D'accord. Posez-moi toutes les questions, même les plus techniques, hein, que vous voulez, hein, je peux y répondre. Hein. Bon, est-ce que t'as croisé du militaire? Est-ce qu'ils sont bien montés? Bien armés, pardon. Je peux répondre à toutes vos questions, même les plus techniques. Je suis l'envoyé spécial. S'il y a quoi que ce soit sur la politique géostationnaire du monde, ben vous me demandez, j'y réponds. D'accord. Bon. Ça bouge un peu de ton côté, tu vois des... Ça... Non. N'importe quelle question, hein, allez-y. Hein. Je peux y répondre, j'ai aucun problème. Moi, je suis pas de tabou, je suis un journaliste libéré. Est-ce que tu as croisé du MX-27? Toutes vos questions, je suis prêt à les entendre. Ah, même les plus, je vous dis, hein, des choses sur George Bush, la politique et tout, l'installation des militaires. Allez-y, je suis renseigné. Est-ce que t'as croisé Saddam Hussein? Tu vois qui c'est? Bon, bah, puisqu'il n'y a pas de questions, je serai là demain. Hein. Quelles sont les différentes sortes de patates? Alors, il y a les patates à l'eau, parce que ça, on peut les faire. Il y a les patates au beurre, ensuite, il y a les patates en robe de chambre. Il y a plein de patates comme ça, mais c'est un autre débat. D'accord. Et vous me posez des questions que vous voulez, j'y réponds, hein. Mais j'y répondrai demain. Ah, attendez, je sens que ça va être pour ma gueule, ça. Ah, Sandra, je au revoir. Allô, Sandra. À bientôt. La minute à Sandra. Je crois qu'on a réussi à établir une liaison satellite. Oui. Allô, allô, allô, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Chaleur à sous. Ah. Et si ça va, vous, comme je vous m'avais bien dit, je me suis fait comme il fallait. Ah. Alors? Ça y est, c'est bon, je suis en Europe. C'est bon? Ça se passe bien? Je suis en Europe là et alors, ça va. D'après les actus, ça bombarde un peu, non? Oh putain, en tout cas, je sais pas, mais alors là, pourquoi ils m'ont demandé de me mettre en Europe? Vous êtes fous, quoi. Non, vous avez vu le temps qu'il fait. On dit Irak. On dit Irak, hein. Mais non, on m'avait appelé, on m'a dit, vas-y, mets ton Oroc. Alors moi, j'ai mis mon Oroc, j'ai pas pourquoi, je suis là, il fait du chaleur là-dessus. Mets ton Oroc. Tu veux dire que t'es en Oroc? Ah putain, en plus, c'est un qui est en duvet de poule. Je te raconte pas comme il fait chaud là-dessous, hein. Mais pourquoi on m'a demandé ça? On t'a pas demandé de mettre un Oroc, on t'a demandé de partir en Irak. C'est un pays. Je suis en Irak, mais je croyais que fallait mettre mon Oroc aussi en merde. Mais tu sais l'Irak, là où ça bombarde? Oh non, putain, en plus, faut que je mette un bombardier au-dessus de mon... Mais non, je vais mourir au-dessus, moi, j'ai pas signé pour ça. Koé sur Europe 2.